L'antique cité de Sardes, en Asie mineure, occupait un emplacement privilégié. Elle était construite sur un plateau autour duquel le fleuve Pactole avait creusé sur trois côtés une gorge profonde. On ne pouvait accéder à la ville que d'un seul côté et encore par un chemin assez raide. Les paillettes d'or que le Pactole roulait dans son lit ont fait, au début, la richesse de Sardes. Au VIe siècle avant l'ère chrétienne, le roi Crésus, ce roi fabuleusement riche qui a inventé la monnaie, a fait de la ville de Sardes sa résidence. Sardes est demeurée longtemps la principale ville du royaume de Lydie. Elle a été conquise tour à tour par Cyrus, roi de Perse, au VIe siècle avant l'ère chrétienne, puis par Alexandre le Grand, au IIIe siècle. Tous deux ont recouru au même stratagème et se sont emparés de la ville de nuit par le côté du précipice où elle n'était pas gardée. En décrivant l'une de ces conquêtes, les chroniqueurs racontent que les attaquants avaient préalablement observé un garde de la muraille descendant vers le fleuve par un sentier extrêmement escarpé pour récupérer le casque qu'il avait laissé tomber. La nuit suivante, un commando d'envahisseurs a emprunté le même sentier pour pénétrer dans la citadelle. Pris par surprise, les défenseurs ont été maîtrisés et les agresseurs n'ont eu alors qu'à ouvrir de l'intérieur la porte principale aux soldats assemblés à l'extérieur pour l'assaut final. C'est ainsi que Sardes a changé de maître. En l'an 214 avant Jésus-Christ, Antiochus le Grand, le roi de Syrie, conquit à son tour la ville de Sardes. Sous la domination syrienne, il y eut deux cités de Sardes, d'où l'appellation plurielle Sardéis en grec. La vieille ville était devenue l'acropole de la nouvelle. Les habitants de la région vouaient alors une adoration licencieuse à Cybèle, la mère de tous les dieux. Dans les siècles qui ont suivi, Sardes a perdu son importance et a sombré dans l'oubli. Au temps de l'apôtre Jean, c'était une ville morte qui ne vivait plus que du renom de son passé. À la splendeur de son luxe avait succédé le déclin et l'assoupissement. On ne connaît rien des origines de l'église de Sardes, mais à la lecture de la lettre qui lui a été adressée, on ne peut s'empêcher d'établir un parallèle entre l'état de l'église et le déclin de la ville. Écris à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. » Apocalypse 3, 1 à 3. Le Seigneur a introduit la lettre à l'église de Sardes par ces mots. « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. » Cette introduction ressemble à celle que nous trouvons à l'entête de la lettre à l'église d'Éphèse. Mais si nous les comparons attentivement, nous découvrons une différence qui a toute son importance. La lettre à l'église d'Éphèse s'ouvre par les mots « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. » Apocalypse 2, 1. Dans la lettre à l'église de Sardes, il n'est plus question des chandeliers. Or, dans l'Écriture, le chandelier symbolise le témoignage. C'est donc comme si le témoignage de l'église de Sardes avait disparu et qu'elle avait déjà subi le jugement annoncé à l'église d'Éphèse. « Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Apocalypse 2, 5. Dieu avait donc gravement jugé l'église de Sardes. Cette pensée semble confirmée par le fait qu'il est question, dans cette introduction, des sept esprits de Dieu à la place des sept chandeliers. Ces sept esprits de Dieu qui nous parlent précisément de jugement. Mais essayons de découvrir ce qui a provoqué ce déclin est la perspective du jugement divin. L'église de Sardes avait sans doute connu un passé glorieux, mais elle s'était peut-être par trop confiée en sa position confortable. À son tour, l'adversaire l'avait surprise sur un front où elle ne veillait pas. Elle cultivait le souvenir de son passé, mais ses œuvres étaient devenues répréhensibles devant Dieu. Après avoir goûté à la vie, elle s'était laissée engourdir inconsciemment par la torpeur de la mort. C'est pourquoi le Seigneur l'exhorte en ces termes « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. » Dans l'église de Sardes, la vie spirituelle n'était plus qu'un lumignon en train de s'éteindre. Le message de la parole divine ne retentissait plus dans sa simplicité et sa pureté, mais il était comme étouffé par les philosophies humaines et les formes extérieures de la piété. Un jour, une petite fille arriva en larmes à l'école. Son institutrice voulut la consoler. Entre deux sanglots, la fillette lui confia la cause de son chagrin. Elle avait perdu son certificat de naissance, confié par sa mère pour le transmettre à l'administration scolaire. Mais la fillette s'expliqua en ses propres termes. « J'ai perdu mon excuse d'être née un jour. » C'est un peu ce qui s'était passé pour l'église de Sardes. Elle avait perdu, oublié son origine divine et ne se préoccupait plus du Seigneur qui l'avait engendré. Si elle ne retrouvait pas son certificat de naissance, si elle ne revenait pas à son point de départ, elle perdait définitivement sa raison d'être. Même si elle passait pour être vivante, sa vie spirituelle s'était éteinte et sa foi avait sombré. Comme dans chacune des lettres aux sept églises, le Seigneur se sert d'une situation locale pour décrire à l'avance l'une des étapes de l'histoire du christianisme. Dans le cas particulier, le nom de Sardes nous donne une indication précise. Il dérive du grec sardonyx, en français sardoine. Dans l'Antiquité, cette pierre précieuse s'employait comme porte-bonheur ou comme amulette pour conjurer les mauvais sorts, d'où la signification étymologique du nom de Sardes, ceux qui échappent. Dans la lettre à l'église de Sardes, le Seigneur s'adresse à ceux qui ont échappé au grave danger de la tradition et de l'idolâtrie, danger dénoncé dans le message à l'église de Thyatire. L'Esprit de Dieu entrevoyait donc ceux qui, au XVIe siècle et après, ont échappé à l'enseignement de la tradition. À l'époque de la Réforme, des milliers de personnes ont reçu et entendu le message de la grâce de Dieu. Durant plusieurs générations, les réformés ont écouté attentivement la parole divine. Mais leurs descendants n'ont pas été vigilants et ont négligé le bon dépôt de la foi. Les citoyens de Sardes pouvaient naguère contempler leur acropole juchée sur la colline en se persuadant qu'elle n'avait rien perdu de son invulnérabilité. Aujourd'hui, certains protestants tournent peut-être des regards nostalgiques vers les glorieux débuts de la Réforme. Mais ils ne maintiennent plus que traditionnellement ce qu'ils ont renié pratiquement. Ils vivent des formes extérieures d'une piété qui, au XVIe siècle, était le fruit d'une communion intime avec Dieu. Aujourd'hui, ils s'appellent protestants, mais ils ne protestent plus. Ils se disent réformés, mais ils refusent qu'une véritable réforme démolisse les structures présentes pour qu'ils retrouvent le modèle originel. Ils se disent évangéliques, mais en certains cas, ils ignorent même les principes essentiels de l'Évangile. Ils se croient vivants, mais ils sont prêts de mourir. Aussi le message du Seigneur à l'église de Sardes revêt-il une actualité indéniable au XXIe siècle. « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Que de communautés, autrefois vivantes, sont aujourd'hui des lumignons qui fument. Elle s'appuie sur une réputation passée ou se réclame d'un nom qui autrefois correspondait encore à d'authentiques réalités spirituelles. Mais elles dépérissent progressivement. Pourtant, il y a encore espoir pour ceux qui aujourd'hui veulent écouter ce que l'Esprit dit aux Églises. Le Saint-Esprit lance un appel pressant, pas seulement à l'Église réformée, mais à tous les chrétiens qui s'assoupissent. « Sois vigilant. » Et affermis le reste qui est près de mourir. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Ne voulons-nous pas aujourd'hui prendre pour nous ces mots du Seigneur ? Sois vigilant. Y a-t-il de la mort spirituelle dans notre communauté ou dans nos vies ? L'apôtre Paul disait : Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains 13, 11 à 12. Et puis encore ? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, 14. Cher ami chrétien, n'est-ce pas le temps de vous réveiller du sommeil ? N'est-ce pas le temps d'affermir ce qui est en train de mourir ? N'est-ce pas le temps de nous souvenir de la façon dont nous avons reçu et entendu la parole, le temps de la garder et de nous repentir ? Il y a toujours espoir pour le chrétien qui s'humilie et qui aspire à la vie abondante en Christ. C'est le temps de nous réveiller. Acceptons que le Seigneur nous secoue de notre torpeur, nous rende notre raison d'être et notre vocation, afin que nous puissions le servir dans un esprit nouveau et le glorifier